Haïtinategui, Guadeloupe. Martinique, vont y aller les noms. Mais depuis la Sahara, tout le monde a fait tomber les couillers. Riez, riez, riez. Par aux ambassades. Depuis le Sao, tout mon appel tombe de l'écuyer. Riez, riez, riez. Par aux ambassades. Riez, riez, riez, riez, riez, riez. Dans New York, nous fait 2 ans. Haïti, pas tant de nouvelles non. Mais nous t'es là-haut, n'a pas gardé ça qu'à passer. Mais Canada, voyez les noms. Sous de grands tapes nous. Mais depuis la Sao, tout le monde a fait tomber les couillers. Couillers, couillers, couillers. Pour vos ambassadeurs. Couillers, couillers, couillers, couillers, couillers. Montréal, non, fais-toi moi. Haïti,